تخفف المصيبة على دولار فقط. قال ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. Bien sûr. Dans Al-An, il sait qu'il y a des gens, ils sont pires que lui. Il sait qu'il y a des situations, elles sont pires que la sienne. Lakin, il fait tout pour khafif. Lakin, en se rappelant qu'il y a des gens, ils sont pires, ou la situation, elle est plus grave, Inch'Allah, ça khafif son hal. Il se dit, moi, je suis encore dans une ni'ma, walillahi alhamd. Qala fa bihada at-tawtin wa bihada as-sa'i an-nafi' tazul humumuhu wa ghumumuhu wa yakun badal dhalika as-sa'i fi jalb al-manafi' wa fi daf' al-madar al-maysura lil-'abd. Sahih, il fait du khayr. Il essaye d'avoir cette chose qui lui manque. Bonne santé, argent, avec des asbab mashrou'a. Et Adam Shay, on avait vu cette dua. Qala fa idha halat bihi asbab al-khawf wa asbab al-asqam wa asbab al-faqr wa al-'adam لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها. نعم، مثلا أسباب خوف، il est dans l'endroit مثلا il y a une guerre. Bah chacun a l'insan, c'est un être humain, il y a des choses تقلقه بل يخاف، ça soit bombardement, tir. أنت الآن il est dans ce cas, il fait l'asbab, il fait tout pour se protéger, pour se défendre. Et en même temps il pense, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Je vais toucher, je vais mourir, on va tous mourir. Et vous allez voir, ça est retard. Amma wahad, il a peur de la moindre blessure. Il a peur d'une petite chose. Robbama, une grosse blessure, elle lui vient, il ne patiente pas. Aviyad al-hal, tu vois loin, tu dis, akhtar shay. Ce qui nous est arrivé, nous, à Damnak. Plus de nourriture, plus de boisson. Avec le blocus, c'était un minimum. Des fois, il n'y avait plus. Et les bombardements, les cadavres. La pire des choses, c'est que t'as plus, tu manges pas, tu meurs de faim. Ou t'es touché par leur bombardement, tu meurs. Tu te mets ça dans la tête et toi, clallah. Ça arrive, ça arrive. Ben, si ça arrive, Inch'Allah, je suis à la khair. J'espère mourir shahid. Tu vois que ça t'artaire. Amma wahad, il est dans ta situation, il a peur de tout. Et il arrête pas de parler. On va plus manger, on va plus boire, comment on va faire? Mais si je suis blessé, là, c'est étab. Léna, il vit la chose. Et Robbama, il est touché. Enfin, autant voir loin et t'artaire. Ce qui arrive, il arrive. قال وتوطين للنفس عليها بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. نعم، أن النفس يلفالوا مثلا تمالات بونفر أموخ جبي on va tous y passer. كل نفس ذائقة الموت. Vous allez voir, ça tchafif alayh. Et en même temps, il fait l'asbab. Si son cas il s'améliore, vous allez voir qu'il va se reposer. Il va dire, alhamdulillah, ça s'améliore. Si son cas il s'aggrave, il est prêt. Il y en a la chose la plus grave, c'est la mort. Maladie, n'importe quelle maladie, si ça s'empire, ça s'empire, ça finira par la mort. Fahoua, dans les deux cas, il est viré. Si ça s'empire, il est prêt. Il s'attend qu'il peut mourir à tout moment. Si ça s'améliore, il a fait l'asbab, Inch'Allah, il sera à la khayr. Ça, c'est des wasa'il nafi'a jiddan. قال فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع. توطين النفس il est habitué ou il prend l'habitude que ça s'aggrave, il est prêt. قال مع السعي النافع il espère que ça s'améliore, si ça s'améliore il est à la خير. قال الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومه للمكاره. Bien sûr il baisse pas les bras. جاهد نفسه. اما ce qu'ils font le kafara الان, ce qu'ils appellent l'euthanasie, ça c'est خطير جدا. Si c'est le malade qui la demande, enfin, il a tué son œuf, c'est du suicide. Si c'est un autre qui lui fait sans son accord, c'est un meurtre, il l'a tué. Ils veulent appliquer l'euthanasie, ou ils l'appliquent dans certains endroits. Ils ont le qunut min rahmatillah. Ils désespèrent. Thaniyan, c'est la faiblesse, ils sont faibles. Ils ne peuvent pas patienter cette épreuve. Et ça serait un mu'min, ou alors aussi les pas soignés, ils patientent jusqu'à que la mort elle vienne. C'est pas lui qui se suicide ou il demande à quelqu'un de tuer. Abedan, il est patient. Et il mourra. Ce malade, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, il mourra. Lakin, al-kafara, ils n'ont pas de sabr. Et ils n'ont pas de yaqin kadalik. Amma l'euthanasie, c'est haram, ala kulli hal. Ou alors son hal, il atteint n'importe quel hal, il patiente jusqu'à qu'il meure. Amma le meurtre ou le suicide, c'est min al-kaba'ir. قال ويجاهد نفسه على تحديد قوته المقاومه للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقه به. حسن الثقه بالله عز وجل هذا مهم.

Prends l'exemple maintenant de ce qui se passe là, ce qu'ils appellent les crises économiques. Dans 10 ans, il va y avoir une crise, dans un an, il n'y aura plus de pétrole, tout ça. Celui qui rentre, il pense comment je vais faire, mes enfants, ils tombent malades. Celui qui délaisse, il tawakkal ala Allah. Orobama, tu vas mourir avant cette crise. Orobama, cette crise, elle va vraiment venir et tu ne seras pas touché. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Orobama, cette crise, elle va venir, tu vas être touché et tu vas patienter. Eh, Hassan. Haqiqa, tu prends les choses comme elles viennent, en faisant les asbab. Lakin nabaluk alladhi yastaslim, comme il dit, hona shaykh, mata staslima, hada yat'ab. Qala wa anfa'ala qalbahu lil mu'athirat. من الخوف من الأمراض وغيرها كذلك للمرض مثلا يعني epidemie الآن أحيانا هكذا ينشرون يعني epidemie telle maladie dans tel pays. Celui qui réfléchit, qui réfléchit, il se fait du mal à ses enfants, ربما il tombe malade. Il tombe malade بسبب الضيق كذا la tension elle monte, s'il est diabétique il tombe malade. Et ربما le virus il ne touche pas aslan, لكن à cause de ce تفكير كذا il tombe malade. حقيقة truc fait les asbab. S'il y a des médicaments, il y a un ilage, il ne faut pas fréquenter tel endroit, fais. Et si ça vient, ça vient. قال وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب كذلك كثرة الغضب ça rend malade. لأن الغضب c'est غليان الدم et ça joue sur le corps de la personne. بعض الناس tellement qu'il s'énerve, il tombe malade, Thomas son corps il est touché. Il m'a des organes, il m'a la tension, il m'a le diabète. Il tombe vraiment malade, il finit à l'hôpital. Bi katrat al-ghadab, kadhalik at-tafakkur, trop réfléchir, ça rend malade. Aliyada, hatta al-kuffar, parmi leurs ilages, ces personnes, c'est des personnes en général faibles psychologiquement, ils sont atteints par hada. Parmi les ilages, ils leur disent d'aller à la campagne, de changer d'air, de hatta yahda. C'est nafi' jiddan. Anta inshallah, min al-bidaya, ce qui arrive, ça arrive. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il qaddar ma sha'a. Qala. من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية صحيح au minimum ça va le rendre triste. Maintenant on te dit il y a une maladie ou la pauvreté, une crise qui va arriver dans tel pays, kada kada. Celui qui réfléchit trop, la chaque il n'aura pas le sourire. Ou il va avoir une guerre, ou il va avoir ces choses. Là, truc là. Si ça vient, emploie les solutions dès que ça vient. Amma un an avant, mais t'as dit. بعضهم ضعفاء من الكفار أو من تأثر بالكفار. Maintenant, ils donnent des prévisions météorologiques, la météo, l'été. Maintenant, deux mois avant, il va pleuvoir, ça le rend triste. Mais il pense à l'été, ouais, il veut faire des choses, et ils lui ont dit qu'il y aura tel temps, il y aura, et ça le rend triste. Masallah la fille. Awwala, il ne sait pas ce qu'il va vivre. ثانيا la météo c'est pas min al-wahi, c'est des bachar, khasatan les longues prévisions ils se trompent. Et troisièmement wala l'été il pleut, c'est bon, ça va te rendre triste. Sallallahu alayhi wa sallam. Ba'danas ils ont bihaja, ba'danas sont bihaja, lakin ba'danas il est triste, il va aller jouer, il faut le beau temps. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa man tawaqqa'a hudut al-makari wa zawal al-maha wa qa'a dhalik fi al-humum wa al-ghumum wa al-amrad al-qalbiyya wa al-badaniyya wa al-inhiyar al-asabi. Al-inhiyar al-asabi, il perd ses moyens et yefshel son corps, son cœur, hatta il est atteint de maladie. Wasawus, il a un va'af ila akhirin, sallallahu alayhi wa sallam. Qala alladhi lahu atharuhu siya allati qad shahada an-nasu madarraha al-kathira. Sahih, là il y a des hôpitaux, des docteurs que pour ça, ils essayent de soigner haoula. Ils ont des faiblesses, ils ont des maladies psychologiques, ils ont de la tension, ils ont... ثم قال ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام وملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله. Ça c'est la solution. توكل استسلام لأوامر الله ثقة بالله سيطمئن. Ce qui arrive, il arrive. De toute façon, cette dunya c'est un ta'ab. سجن المؤمن جنة الكافر. Cette dunya c'est متاع الغرور. Lui il espère le jannah. Dans la حقيقة tout ça, ça lui fait pas grand chose. Il attend quelque chose de Adam al Jannah. Qala in dafa'at anhu bidhalik al humum wal ghumum wa zalat anhu kathir min al asqab al badaniyya wal qalbiyya. Sahih. Anfa' al ilaj, revenir à Allah. Qala wa hasala lil qalb min al quwwa wal inshirah wal surur ma la yumkin al ta'bir an. Sahih. Il est firaha. Les gens autour de lui sont fit ta'b, lui il est firaha. La solution c'est hada at tawhid. Qala قال فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة خاصة على notre époque. صحيح بعضهم إلى مستشفى لا pas de maladie directement, il a pas de blessure, il a pas dans son corps. Là, c'est son cœur فقط. Son cœur qui va mal. Tu le trouves, il est في مستشفى, il est avec les malades. وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرة من الأقوياء فضلا عن الضعفاء. صحيح حتى بعضهم يظل قوة لكن ils sont touchés. لكن القوة هي قوة الإيمان والعلم والتوحيد. قال وكم أدت إلى الحمق والجنون. صحيح بعضهم يبير لا raison لأنه il va se passer telle chose, ils vont faire, حتى يبير لا raison. قال والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب. المعافى من عافاه الله والموفق من وفقه الله. فغوفيان الله دموند الله احسن الظن بالله. Fais des efforts et inshallah tu seras à la khair. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أي الله il lui suffit. T'as pas besoin de fulan, allan. Allah subhanahu wa ta'ala il te suffit. Lakin fais les asbab et reviens Allah. قال أي كافيه جميع ما يهمه أو ما يهمه من أمر دينه ودنيا. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام أبدا. Abadal mutawakkil ala Allah, il est qawi. Al-awam, ils vont faire, il va peut-être se passer, il va arriver. Hatta ba'duhum, sallallahu alayhi wa sallam, il donne une date pour la fin du monde. Kabara. Et ba'duhum, il y a un za'id min hada. Peut-être ça va être la fin du monde. Marra, ils avaient mis une date. Ba'dan nas, ils ont délaissé le char, ils ont commencé à faire tawba. Kalam fara. T'attends, hadal mujrim, il te donne cette date. Cette chose inconnue, il n'y a qu'Allah qui connaît pour faire des efforts. Tomba, à la fin du monde, elle n'est pas venue, ils sont retournés dans le char. Shaitan yal'ab bi haoula. Amma al-mutawakkil 'ala Allah, il sait à tout moment ça peut venir, il fait des efforts. Qala wa la tuz'ijuhu al-hawadith li'ilmi anna dhalik min dha'f an-nafs wa min al-khawar wal-khawf alladhi la haqiqata lahu. Ba'dhum ils ont peur du noir. Wallah, adultes, trop que les enfants de masaki. Ba'dhum ils ont peur la solitude, il est tout seul. Sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dha'f shadid. Dha'f shadid. قال ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة. والله تي تو سول تو تي دون نوار تي إن شاء الله تي على خير. يحفظ الله يحفظك. فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا. نعم إن مع العسر يسرا. قال وطرح الطرح قال الحزن فرحا. فائدة في الحاجة قال الطرح أو الطرح ينظر الضبط الحزن. قال وطرحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير أي ضرر. الضير الضرر هذا. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait beaucoup de dua. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على طاعتك. Tout ça, ça revient au cœur. Le cœur c'est ملك الأعضاء. Si le cœur il est طيب, il est مطمئن, le corps il suivra. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Fais beaucoup de dua pour ce cœur. Fais beaucoup de dua qu'Allah il ثبت ce cœur. Il lui donne le tawakkul, il lui donne le yaqin. Si ce cœur il est طيب, tu seras taillé. Si ce cœur il est facile, il a un dhaf, tout ton corps, toute ta vie, elle sera fondée sur le dhaf. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, thabat wa salama min hadhi al-amra. Subhanak lahum hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.